Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chronique Je peux pas, j'ai patrimoine, une chronique co-animée avec l'équipe dynamique du Pays Loire-Touraine. Et aujourd'hui, c'est avec Camille Touleland, chargée de la médiation patrimoniale, que l'on va dérouler cette émission. Bonjour Camille. Bonjour. Alors le programme d'aujourd'hui, c'est celui des vacances de Pâques, notamment tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu tout ce que vous avez prévu, et il y en a pour tous les goûts. Et oui, parce que comme à chaque vacances scolaires, on a une programmation d'animation spécialement destinée aux enfants et aux familles. Absolument. Alors, pas de gâteau façade cette fois-ci. Non, on change un petit peu quand même. Ouais. et on va même commencer avant les vacances de Pâques, puisque dès le samedi 11 avril, on aura un premier atelier qui va se dérouler dans la commune de Montaudon. Donc, on est dans le Cassel-Renaudet, une très jolie petite commune. Et donc, samedi 11 avril à 10h, on va proposer aux enfants, donc c'est pour les enfants qui ont entre 6 et 12 ans, un atelier d'initiation à l'art du vitrail. Donc, il y aura une découverte, évidemment, de l'église du village avec une présentation in situ des vitraux. Et puis après, on va pouvoir travailler sur comment est-ce qu'on fabrique du verre, comment est-ce qu'on fabrique un vitrail. On a la chance d'avoir plein de matériel de démonstration, y compris un vrai vitrail. Moi, je le connais, le kit, il est super. Ah oui. Très facile à manipuler pour les enfants. Ouais. Et puis après, c'est un atelier qui se termine par un atelier de peinture. Les enfants font une peinture effet vitrail, on va dire, qu'ils peuvent rapporter à la maison. Donc à Montaudon, ça sera donc le 11 avril à 10h. C'est quoi les conditions pour participer, Camille ? Alors, c'est sur inscription obligatoire sur notre site internet, le site paysloiretouraine.fr. Et le tarif, c'est comme pour tous nos ateliers enfants, le tarif est de 5 euros par enfant. Et puis, c'est gratuit, évidemment, pour les adultes accompagnateurs. Sachant que, comme pour tous nos ateliers, il y a la possibilité, soit vous nous laissez vos enfants ou vos petits-enfants et on s'en occupe, on en prend le plus grand soin et on vous les rend en très bon état, ou alors vous êtes évidemment les bienvenus aussi si vous souhaitez participer à l'atelier. Très bien. Alors, ce rendez-vous-là, il n'apparaissait pas, Camille, dans le petit livret ? Non, parce que, en fait, on n'aime pas s'ennuyer, donc on rajoute toujours des choses, même si on avait déjà une brochure, un programme bien rempli. On s'est dit, tiens, on a un petit trou dans l'agenda, et si on faisait un atelier en plus ? On a des artistes qui rajoutent des zéniths, et le Pays Loire-Touraine, à sa manière, est un artiste aussi, puisqu'il rajoute des dates. Donc, ce premier rendez-vous, 11 avril, on le rappelle à 10h, à Montaudon, pour un atelier d'initiation à l'art du vitrail. C'est ça. Donc, ça met en bouche pour la suite du programme. Voilà. Et puis après, on arrive aux vacances scolaires, donc vacances de Pâques. Donc là, il y aura 4 rendez-vous. Le premier, il aura lieu dans la commune de Saint-Laurent-en-Gâtine. Donc, on reste pour l'instant dans le Castel-Renaudet. Saint-Laurent-en-Gâtine, c'est cette commune qui est très connue pour sa grande maison. Ouais. C'est une église très particulière. Qu'on voit très loin dans le paysage, qui d'ailleurs n'était pas du tout une église à l'origine. C'était la maison forte au XVe siècle de l'abbé de l'abbaye de Marmoutier. Ok. Mais bref, on sera donc dans ce village de Saint-Laurent-en-Gâtine pour un atelier enfants, famille, sur le thème des matériaux de construction. Ah, on connaît bien ça. Moi, je connais bien parce que j'en ai suivi un avec toi, Camille. Oui. C'est un atelier où on va se promener dans le village. En fait, c'est un atelier où on va observer. On va découvrir les matériaux de construction traditionnels. Évidemment, dans notre région, c'est beaucoup le tuffeau, la brique, surtout dans le Cassel-Renaudet. On a des sols très argileux, donc il y avait beaucoup de briqueterie, de tuileries dans le Cassel-Renaudet. Mais pas seulement, il y a les matériaux de construction, mais il y a aussi les matériaux... Alors oui, l'ardoise, qui pour le coup n'est pas locale. Il fallait aller la chercher plutôt près d'Angers, par exemple. C'est plutôt la tuile, nous, sur les toitures. Oui, mais je me souviens de la balade qu'on avait faite ensemble. C'était dans la commune de Chargé, et où les enfants avaient pu aussi repérer différents matériaux, dont il y avait aussi de l'ardoise à certains endroits. Ouais. Et donc, il y a les matériaux de construction. Il y a les matériaux aussi qui sont utilisés pour le décor, par exemple des briques vernissées, ce genre de choses. Il y a une jolie petite devanture en mosaïque, par exemple, à Saint-Laurent-en-Gâtine. Donc, il y a plein de choses à observer. Puis, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est que... En fait, on n'utilise pas du tout les mêmes matériaux selon l'époque à laquelle on est, selon la fonction de l'édifice. Par exemple, quand on est au Moyen-Âge, construire en pierre, ça coûte très cher, parce qu'il faut des carrières, il faut aller découper des gros blocs de pierre, les monter à la surface, c'est long, c'est compliqué, c'est cher. Donc, ça coûte beaucoup moins cher de construire en bois. Donc, par exemple, on sait qu'au Moyen-Âge, c'est vraiment les édifices les plus importants, comme les châteaux, les églises qui sont en pierre, les autres sont en bois. Donc voilà, on ne construit pas de la même façon selon l'époque, selon la fonction du bâtiment, selon évidemment la richesse du commanditaire, selon le climat. Ben voilà, tout simplement, on ne fait pas des igloos en Touraine, hein, il y a parfois des choses très pratiques. Il peut y avoir aussi, par exemple, des contraintes légales. Par exemple, il y a parfois des règles d'urbanisme ou des règles qui régentent la construction pour protéger le patrimoine. On ne peut pas utiliser n'importe quel matériau à proximité d'un bâtiment historique. Donc ça, on va expliquer aussi aux enfants pourquoi il y a ces règles-là. Donc, balade dans le village à la découverte de tous ces matériaux, à la découverte aussi de leurs propriétés, parce que quand on choisit un matériau, on ne va pas le choisir au hasard. Ça va être en fonction aussi de ses propriétés esthétiques, bien sûr, mais aussi thermiques, acoustiques, etc. Donc ça, c'est pour la balade, ça, c'est pour la visite. Et puis après, comme toujours avec nous, ça se termine par un moment... chantier. Voilà, un moment où les enfants mettent la main à la pâte. Mais c'est ça, je dis un mini-chantier, mais c'est quasiment ça, en fait. Exactement, parce que là, ils vont construire de petites maisons avec des briques Tayfok. Donc c'est un petit jeu qu'on trouve dans le commerce et qui permet de comprendre vraiment comment travaillent les maçons, puisqu'il y a une sorte de petit mortier, et puis les enfants montent leur mur de briques. Donc ça, cet atelier-là, il aura lieu le mardi 14 avril après-midi à 14h30 et c'est aussi sur inscription obligatoire. Toujours sur le site du Pays-Loire Touraine. Oui. Très bien, donc les matières à construire avec les matériaux selon les époques. Dès le lendemain, le mercredi 15 avril, on descend vers le sud, on sera à Épeigné-les-Bois. Épeigné-les-Bois, c'est une très très jolie commune avec notamment un très joli plan d'eau, un chouette endroit pour aller se balader. C'est une commune d'ailleurs qui a un label qui s'appelle « Territoire engagé pour la nature ». Il y a vraiment toute une réflexion sur le thème de l'environnement là-bas qui est très intéressante. Et donc, le 15 avril, on aura une chasse au trésor. Ah, la chasse au trésor. Ouais. Il en fallait une. Avec notre fameux coffre au trésor qu'on ne pourra ouvrir à la fin que si les enfants ont réussi le parcours. Et donc là, c'est un jeu qui se fait plutôt en autonomie pour les enfants accompagnés d'un adulte. Et c'est des questions d'observation sur le patrimoine, des petits jeux, un parcours à pied à faire dans la commune. Et puis on ouvre ensuite le coffre au trésor. Et ce qui est intéressant à Épeigné-les-Bois, c'est qu'il y a la microfolie. La microfolie, c'est un équipement culturel numérique. Et il y a une animatrice, une médiatrice là-bas qui sera présente ce jour-là et qui va proposer à l'issue de la chasse au trésor aussi une petite découverte de la microfolie et puis des animations pour les participants. C'est à quelle heure ça, Camille ? Alors, c'est donc le mercredi 15 avril à 14h30. 14h30, ok. Ouais. Ben là encore, j'ai testé pour vous, chers auditeurs. C'était sur la commune de Souvigny, de Touraine. On s'était retrouvés là-bas. Et donc, on part avec notre petit fascicule, on se balade avec nos enfants, on essaie de deviner. Il y a des énigmes, il y a des choses à observer, beaucoup. Et puis après, on rassemble un mot. Enfin, en tous les cas, nous, ça s'était passé comme ça. Donc, tester et approuver. Ah bah tester et approuver, carrément. C'est pour ça que je note bien 15 avril à 14h30 à Épeigné-les-Bois pour cette chasse au trésor. Sachant que je le rappelle toujours, mais les chasses au trésor, on en a réalisé, donc nous, le Pays Loire-Touraine, notre territoire d'action, c'est un territoire de 55 communes. Et il y a une trentaine de ces communes qui, à ce jour, possèdent leur chasse au trésor. Oui. Donc si vous allez sur notre site internet, vous pouvez télécharger gratuitement les fichiers et faire, quand vous voulez dans l'année, la balade, le petit parcours en famille, librement. Et ça, tu fais bien de le rappeler parce que vous avez vraiment plein d'outils, plein d'outils gratuits. Franchement, c'est gratuit. Ça, c'est ce qu'on appelle. C'est rare. Ces fiches-là, elles s'appellent les petits explorateurs. Oui, et les rallyes patrimoine aussi. Ouais. Ok. Donc, c'est la première semaine des vacances. Très bien. Et pour la deuxième semaine, nous serons cette fois à Saunay. Donc, on retourne dans le nord, dans le Castel Renaudet à nouveau. Et on va proposer un atelier qui s'appelle « Bâtisseurs du Moyen-Âge ». Alors ça, c'est un thème qui plaît toujours beaucoup. Oui. On a la chance de posséder plusieurs maquettes d'architecture qui permettent de comprendre comment est-ce que nos ancêtres construisaient les églises du Moyen-Âge. Donc on a des maquettes d'arcs en plein cintre, des maquettes de voûtes sur croisées d'ogives. Toujours un petit peu impressionnante celle-là, puis en fait on se rend compte que c'est très facile à construire quand on a compris le principe. Des maquettes de travées gothiques avec les vitraux. Et donc tout ça, c'est un matériel qu'on va mettre à disposition évidemment des enfants, des participants, pour qu'ils puissent, après la visite de l'église de Saunay, mieux comprendre ces principes de construction puisqu'ils vont en fait les expérimenter. Eh oui, Mais là encore, je connais, j'ai expérimenté. Je crois que j'ai fait pas t'es mal notre, de... Hein? Notre testeuse, en fait. Je suis la testeuse, moi. Mais en tout cas, c'est top, ces petites maquettes. Enfin, quand je dis les petites maquettes, elles sont assez conséquentes. Ouais. Et je me revois dernièrement traverser un village et dire à mes enfants, voici un oculus. Hein. Donc, c'est une fenêtre ronde. Et je dis, voilà, les petites choses qui me restent. Mais bien sûr. Donc, c'est à sonner. Rappelle-nous la date. Le mardi 21 avril à 14h30. Ok. On est sur une durée de combien de temps là pour les parents qui nous écoutent? Les ateliers, ça dure entre 1h15, 1h30. Pour la chasse au trésor à peigner les bois, il faut compter environ 45 minutes. Mmh, d'accord. Et puis pour terminer, on aura... Alors cette fois, c'est pas un atelier, c'est une visite guidée spéciale famille, donc vraiment adaptée aux familles. Là, pour cette visite-là, le tarif est de 5€ par adulte et c'est gratuit. Pour les enfants. Mmh. Et c'est une visite en famille à Véretz, dans la commune de Véretz. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à voir à Véretz? Plein de choses. Ah. Alors, ce qui est super, c'est que c'est une commune avec une grande diversité de patrimoine qui permet d'aborder plein d'époques historiques. Mmh. Déjà, notamment, il y a les vestiges d'un grand aqueduc gallo-romain qu'on peut voir. Oui, c'est vrai, quand tu es entre Véretz et Larçay, là. Qui allait jusqu'à Tours. En fait, c'est un aqueduc qui partait de Bléré, du site des Grandes Fontaines à Bléré, et qui alimentait en eau la ville de Tours, à l'époque gallo-romaine. Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, conséquent, le truc. Bon, aujourd'hui, il en reste quelques morceaux. Et notamment, à Véretz, on peut voir un vestige. Il y a aussi, à Véretz, ce qui est très intéressant, c'est de parler du port sur le Cher, de toute l'histoire de la batellerie, de tous les métiers aussi qui étaient liés à l'eau. Il y a une église magnifique, il y a un château. Donc, il y a énormément de choses à raconter à Véretz. C'est clair. Le rendez-vous, il est à quelle heure? Alors, c'est 14h30, toujours le jeudi 23 avril. Et c'est une visite qui va durer environ 1h15. Ok. Eh ben, tout plein de choses hyper intéressantes encore à faire avec vous, Camille. Quand je dis avec vous, c'est toi et évidemment... Et ma collègue Anna. Et Anna, ben voilà. Quoi de mieux que de se balader en compagnie de nos expertes du patrimoine local. Donc on rappelle que pour la première semaine des vacances, c'est à Saint-Laurent-en-Gâtine le 14 avril à 14h30 pour un atelier matière à construire pour découvrir les matériaux au fil des époques. Et à chaque fois, on manipule. Hein. Ah, tu l'as bien précisé, mais c'est vrai que c'est vraiment très chouette. Et peigner les bois le mercredi 15 avril à 14h30 pour une super chasse au trésor et avec la présence de Microfolie. Oui, Clara, l'animatrice de la Microfolie des Peigner les bois. Super. Et pour la deuxième semaine, eh bien, ce sera à sonner avec les bâtisseurs du Moyen-Âge, avec les maquettes, encore une fois, à manipuler. Et enfin, on terminera à Véretz avec la visite guidée qui aura lieu le 23 avril à 14h30. Super programme! Merci, on a hâte, on a hâte d'y être. Et puis là, vous êtes, j'imagine, en train de boucler toute la programmation à venir aussi. Eh oui, le programme estival, il est bouclé. Hein. C'est notre prochain programme sortira mi-mai. Donc, mi-mai, vous pourrez découvrir toutes les visites guidées, les ateliers, les spectacles, etc. qu'on vous prépare pour les mois de juin, juillet, août. Et ben, on a hâte de découvrir toutes ces surprises. En tout cas, merci Camille d'être venue. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup. Ce podcast sera réécoutable sur la page Facebook de Radioactive, donc Radioactive 93 et 94.7 FM, et également sur notre site internet www.radioactivefm.fr. À bientôt Camille et merci. Merci. Droit devant moi, je cours les routes en vagabond de grands chemins. Je fuis l'amour et ma déroute. Parfois je verse des larmes sur mes jours lointains. Ce n'est que de l'eau. Ce n'est que de l'eau, camarade. Ce n'est que de l'eau. Ce n'est que de l'eau, camarade. Pibamba, parabarabarara, pibamba, parabarabarara, pibamba, bamba, bamba. Et au qui jamais m'as tu aimé. Quis salvar meu coração, mas o amor tem um segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de bebê, água de bebê, camarão. Água de bebê, água de bebê, camarão. Quand un obstacle me déroute, je le contourne et ce matin, c'est l'océan qui bat ma route. Tant pis, je le sauterai pour aller plus loin. Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau, camarade. Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau, camarade. Pibamba, parabarabarara, pibamba, parabarabarara, pibamba, bamba, bamba.